assis devant mon ordi, je vois défiler les clients. Je leur dis bonjour, au revoir, merci, je leur réponds en souriant. Avec ma cravate bien serrée, ma chemise bien repassée, je pianote sur mon clavier, enregistre leur volonté. Je donne du monsieur à tout le monde et distribue les poignées mains. Alors que certains me répondent, d'autres me regardent d'un air hautain. Je dois décrocher le téléphone tous les quarts d'heure environ. À chaque sonnerie qui résonne, je prends ma voix de baryton. Oui, bonjour, que puis-je faire pour vous? J'enregistre les réclamations sur des post-it, les griffons, transmets-toi ma direction. Là-bas, ça n'intéresse personne, inlassablement je me prends des remarques des gens en colère, des emmerdeurs, des mécontents. Moi je sers de paratonnerre. Dans les hautes sphères, ils sont peinards. Une fois que les gens sont défoulés, ils peuvent leur vendre leurs histoires et tous leurs prêts immobiliers. Autant de produits qu'ils le veulent, qu'on paye en vendant sa maison. Mais c'est toujours moi qu'on engueule, c'est toujours moi qui traite de con. Je te parle pas des augmentations, 500 euros tous les deux ans. Pas de quoi couvrir l'inflation, ni même payer mes déplacements. Rien n'est au frais de la maison, le matos tombe en panne tout le temps. Je paye mes stylos, mes crayons, le dépanneur ne vient pas souvent. Le soir quand je rentre à la maison, fatigué de ma dure journée, je veux décrire l'exploitation. Je n'ai pas très envie d'y retourner, mais je sais qu'il y a pire que ça. Ma femme elle travaille à la chaîne et je peux vous dire qu'elle gagne moins que moi, mais qu'elle travaille plus par semaine. C'est la société contemporaine, une rémunération à la hauteur de sa peine. C'est la société contemporaine, une rémunération à la hauteur de sa peine. Je suis un employé modèle, je travaille pour une grande banque privée. Aimable avec la clientèle, je suis toujours très bien noté. Mais en secret, je suis rebelle, ça fait 10 ans que je veux me barrer. Et je ne peux pas, je suis coincé, faut que je ramène à bouffer. J'ai besoin d'argent pour le loyer, j'ai 2 gamins à élever, 1 ou 2 prêts à rembourser, et puis des impôts à payer. Si j'ai un conseil à te donner, c'est de bien choisir ton métier, car la plupart de tes jours.